Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Serge en votre compagnie sur Fadjet pour 60 minutes de coup de cœur. Notre rendez-vous hebdomadaire, j'espère que vous y êtes fidèles. J'espère que ça va bien se passer. Comme d'habitude, on va découvrir la carrière, la vie, l'environnement d'un artiste et pas des moindres, puisque j'ai dû lui consacrer deux volets, c'est-à-dire deux fois 60 minutes. Je vous en avais parlé lors de la présentation en tout début de mois. Rappelez-vous, essayez de faire quelques déductions. Deux émissions parce qu'il a une carrière suffisamment imposante pour cela. Je ne pouvais pas tout traiter en une heure. Alors donc, on le découvre dans quelques minutes. Juste avant de commencer, une nouveauté. C'est une nouveauté interprétée par Icar et Zaz. Ça s'appelle tu Animaux sais, Fragiles. Je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île. Soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre? Toi et moi, des animaux fragiles. Mais cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile. Le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner. Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile. Puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille. Ma main dans tes cheveux. Ma main dans tes cheveux. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Thank you. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Vous l'avez deviné, il s'agit de Michel Polnareff que l'on met à l'honneur aujourd'hui et la semaine prochaine dans Coup de cœur. Donc beaucoup de très jolies mélodies et après Moran et Nolwenn le roi, eh bien c'est de sa vie dont on va parler. Il est auteur, compositeur, interprète français, né en juillet 44 dans le Lot-et-Garonne. Pianiste et mélodiste pop, il a toujours cultivé une apparence singulière. C'est le compositeur, l'interprète d'un grand nombre de succès populaires, notamment Love Me Please, Love Me, La Poupée qui fait non, Le Bal des Las, Toutou pour ma chérie, Je suis un homme, On ira tous au paradis, Lettre à France que l'on vient d'écouter, ou encore Goodbye Marilou. On va écouter bon nombre de ses plus grands succès. Et vous savez, dans Coup de cœur, c'est vraiment une palette très large, puisque nous aurons l'occasion, par exemple, d'écouter Yves Montand, mais Led Zeppelin aujourd'hui. Vous voyez qu'on ne peut pas faire un peu plus large que ça. Et quoi vous dire d'autre sur Michel Polnareff? On va évoquer son enfance dans une première partie de l'émission. Il faut savoir qu'il est russe du côté de son papa et breton du côté de sa maman. Michel Polnareff passe toute son enfance dans un univers musical. Son père, Leb Polnareff, est un compositeur russe qui a écrit des chansons pour Edith Piaf, notamment La Java en mineur, Partance, Mouloudji, également Yves Montand. Sa mère est danseuse de jazz moderne et acrobatique et de claquette. Dans l'appartement familial parisien, Léopold, puisque c'est le pseudonyme d'artiste de son papa, impose d'écouter uniquement de la musique classique et met son fils au piano dès l'âge de 4 ans. Michel Polnareff reçoit à 12 ans le premier prix de solfège du conservatoire, mais garde un très mauvais souvenir de son parcours scolaire et de son apprentissage de la musique. Le but unique du jeune garçon est d'être tout le contraire de son père. Rêvant d'Amérique et du rock, il ne sera pas pianiste classique. En 1957, dès l'âge de 13 ans, il se familiarise avec la langue anglaise lors d'un séjour linguistique. En 1961, il échoue au baccalauréat littéraire, redouble et obtient son diplôme avant de partir effectuer 7 mois de service militaire. Où ça ? Eh bien en Lorraine, à Épinal, tout près de chez nous, puis à Montluçon où il tient la grosse caisse de l'orchestre. À 20 ans, il quitte le cocon familial qu'il juge étouffant et multiplie les petits boulots. Remarquez, vu le papa qu'il avait qui était très sévère, on peut le comprendre. Hein. Et alors il s'installe sur les marches du Sacré-Cœur à Paris avec une guitare achetée avec ses économies. Ses premières notes seront celles de la poupée qui fait non. Je vous propose de l'écouter et puis je vous l'avais annoncé, ce sera Yves Montand pour la suite dans Le Galérien, une chanson qui a été composée en partie par le papa de Michel Polnareff. Cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Je me souviens, ma mère m'aimait, et je suis aux galères. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, te bats pas comme un sauvage. T'amuse pas comme les oiseaux, elle me disait d'être sage. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais chaque jour soit dimanche. Je me souviens, ma mère pleurait dès que je passais la porte. Je me souviens comme elle pleurait, elle voulait pas que je sorte. Toujours, toujours, elle disait, t'en vas pas chez les filles, et non pas toujours ce qui te plaît, dans les prisons y a des grilles. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai cru Madeleine. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais pas lui faire de peine. Un jour les soldats du roi t'emmèneront aux galères. Tu t'en iras trois par trois, comme ils ont emmené ton père. Tu auras la tête rasée, on te mettra des chaînes. T'en auras les reins brisés, et moi j'en mourrai de peine. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Et je me souviens qu'elle m'aimait pendant que je rame aux galères. Oh, dis, oh, dis, oh, dis, oh, oh. Subtilité de la programmation de nos émissions Coup de cœur. Pourquoi écouter Yves Montand alors qu'il s'agit d'un coup de cœur Michel Ponareff ? Ben, je vous l'ai expliqué juste avant. Juste avant également, je vous ai expliqué qu'il avait fait son service militaire à Épinal. Donc un grand coucou, un gros bisou à tous les auditeurs de Fadjet qui habitent Épinal et sa région. Alors, on est au début des années 1960 hein, et notre jeune Michel Ponareff devient beatnik. Beatnik, c'est un mouvement littéraire et artistique qui est né dans les années 50 aux États-Unis. Il est pacifiste et il fait la manche à la terrasse des cafés en reprenant les standards rock de l'époque. En février 66, repéré et invité par André Pousse, il remporte un concours de rock organisé par Disco Revue au club alors branché qui s'appelait La Locomotive. Le premier prix est un contrat avec Barclay que Ponareff refuse par peur d'être formaté. C'est alors que Gérard Vogue, un ami d'enfance, insiste pour le présenter à Lucien Maurice, le célèbre Lucien Maurice, patron d'Europe 1 et futur manager. Michel accepte de signer avec la maison de disques AZ de Maurice, justement, à condition d'enregistrer à Londres avec Jimmy Page à la guitare et John Paul Jones à la basse, les futurs Led Zeppelin. À son grand étonnement, la maison de disques accepte et La Poupée qui fait non sort en mai 66. Elle connaît un véritable triomphe. Les musiques de Ponareff s'inspirent de styles anglo-américains et l'artiste affiche un look androgyne qui ne cesse d'évoluer et écrit certains textes prônant la liberté sexuelle. La presse ne le lâche pas et le considère comme un symbole de la décadence de la jeunesse. À cause notamment de son apparence jugée efféminée, point commun avec David Bowie d'ailleurs, et de ses textes qui choquent. Par exemple, la chanson « L'amour avec toi » fait l'objet d'une plainte pour pornographie de la part de l'évêché de Paris et est interdite d'antenne avant 22h. Ben, nous, on va justement vous proposer de l'écouter. Alors, dans un tout autre registre, c'est beaucoup plus violent. Les oreilles sensibles, ben, il faut se les boucher pendant 3 minutes. Ensuite, ce sera Led Zeppelin. On n'a pas l'habitude d'écouter ce style de musique. Led Zeppelin Immigrant Song. Mais à pas dire en société, moi je me fous de la société et de sa prétendue morale. quitter. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh, oh, oh. Sur moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton sourire, que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus. Je veux faire l'amour avec toi. Moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh. Comme ça, ceux-là le font, mais ne le disent pas. Moi, c'est un rêve, et ce soir, c'est pour ça que moi je veux faire l'amour avec toi. Que moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, oh, oh, oh, oh. Fadjet, le festival de toutes les musiques. Si vous venez de nous rejoindre, c'est bien coup de cœur, Serge en votre compagnie. C'était Led Zeppelin et là, ça déménage. On revient à Michel Polnareff. Durant la seconde partie des années 60, il enchaîne les tubes de la complainte Love Me, Love Me, Please, au romantique Baldélaz, en passant par l'existentiel Sous quelle étoile suis-je né, ou encore l'électrique et revanchard Roi des fourmis. En octobre 66, il monte pour la première fois sur la scène de l'Olympia, ouvrant pour les Beach Boys dans le cadre de Musicorama. Il y chante 5 titres. Du 5 au 22 octobre 67, donc un an plus tard, il y revient, faisant la première partie de Dalida. Il enchaîne les succès comme Dans la maison vide, Tous les bateaux, tous les oiseaux. Et en 1968 paraît son second album, Le Baldélaz. En 1970, il passe cette fois-ci en vedette à l'Olympia et entame une tournée. Sur scène, il innove. Mini-concerts, mi-spectacle, les musiciens sont installés sur une scène verticale, de nombreux automates envahissent la scène. Toujours en 70, il réplique à toutes les critiques sur son apparence et son mode de vie avec la chanson « Je suis un homme ». En mai, il se fait agresser sur scène lors d'un concert à Périgueux. Il annule alors les autres dates de sa tournée, dont un concert symphonique au Palais des Sports. Cette agression est la mort en septembre 70 de Lucien Maurice, celui qui l'a lancé, ainsi qu'une crise sentimentale le plonge dans la dépression. Je vous propose d'écouter « Je suis un homme » et puis d'écouter également ce qui se faisait dans cette année 1970. Ce sera l'occasion de retrouver le groupe Rare Bird dans « Sympathy ». La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Au lit, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train. Toujours prêt, toujours gai. À mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins, toutes les filles du coin qui me connaissaient bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment, j'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Pour lui mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Pas besoin d'un référendum ni d'un expert pour constater qu'elles sont en nombre pair. En 70, il n'est pas question, ce serait du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours, quand je chanterai aussi nu qu'un tambour, vous verrez bien que... Je suis un homme, je suis un homme. Et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Pour lui mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. ville. Je suis un homme, je suis un homme. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need. There's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Now half the world hates the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves. 'Cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go Un très grand artiste à l'affiche de coup de cœur aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Michel Polnareff, un petit peu provocateur, on vient de l'écouter dans Je suis un homme. Et en 1971, il refait surface avec une nouvelle tournée. En septembre, il accompagne au piano Johnny Hallyday durant le medley rock'n'roll en clôture de son spectacle au Palais des Sports. C'est lors de ces représentations qu'il arbore pour la première fois son nouveau look. Il porte désormais de grandes lunettes à verre foncé au large monté blanche qui cache sa forte myopie et protège ses yeux qui sont fragiles. Ses longs cheveux sont blondis et ondulés. Il ne changera plus guère de style dorénavant. La même année, il compose la bande originale du film Ça n'arrive qu'aux autres de Nadine Trintignant, puis celle de film à succès La folie des grandeurs de Gérard Houry avec Louis de Funès et Yves Montand qu'on a juste entendu il y a quelques minutes. On fait une petite respiration musicale et on se remémore cette bande originale bien sympa. Thank you. Que de bons souvenirs. Rappelez-vous la présence d'un beau brin de fille également dans ce film, la petite Alice Sapritch, mignonne. Allez, 1971, c'est aussi l'année de Polnareff's, considéré comme beaucoup comme un chef-d'œuvre. Dans ce disque, les orchestres sont dirigés par Anthony King, Bill Shepherd et Polnareff lui-même. On retrouve aussi le bassiste de Lou Reed, Herbie Flowers, également présent sur l'autre grand disque français de ces années-là, Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Polnareff expérimente un système quadriphonique ou encore fait tourner le micro tel un lasso pour enregistrer les chœurs de On ira tous au paradis. Mais il ne peut défendre cet album. Victime d'une seconde dépression nerveuse en janvier 71, il fait une cure de sommeil dans un hôpital de la région parisienne. On va écouter un extrait de cet album Qui a tué grand-maman. Et puis à l'époque, en 71, on écoutait sur les ondes les Poppies. Non, non, rien n'a changé. Seul reste les pensées, et dans tes mains il ne reste plus rien. Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il y avait du temps de grand-maman, du des arbres, des feuilles sur les branches, des oiseaux sur les feuilles, et qui chantait? Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer le temps? La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le bulldozer a tué grand-maman, méchant. Marteau piqueur, les oiseaux pour chanter ne trouvent que des chantiers. Est-ce pour cela que l'on te pleure? Qui a tué grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps passer le temps? La la. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé, tout a continué. De soldat, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas, et pourtant. Oui, et pourtant. Et pourtant. Je chante, je chante. Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Allez, on continue d'évoquer la carrière de Michel Polnareff. On est en 1972, année durant laquelle paraissent les titres La Mouche, Holidays et On ira tous au paradis. C'est aussi l'année du concert Polnarevolution à l'Olympia. Les 6000 affiches de ce concert font scandale lorsqu'elles sont placardées en octobre 72 dans toute la capitale. Polnareff, travesti, y montre ses fesses nues. Le tribunal correctionnel le condamne à 60 000 francs d'amende pour attentat à la pudeur. Le concert Polnarevolution est une innovation technique. Les costumes sont confectionnés par Paco Rabanne. Les musiciens, les Dynasty Crisis, sont vêtus de collants noirs et d'un haut en plastique, tenez-vous bien. Polnareff est recouvert de paillettes argentées. Les instruments de musique sont fabriqués en plexiglas. C'est pour vous donner une idée. Au début du concert, une fille du Crazy Horse déguisée en Polnareff arrive de dos et baisse son pantalon en référence à l'affiche. Vraiment tout pour provoquer. En mars 73, Michel Polnareff crée Polnareff, un spectacle de nouvelles chansons. La sortie du prochain disque est prévue pour les mois suivants, mais pourtant, rien ne se passera comme prévu en raison de sombres événements qui marqueront sa carrière. Bon, on va écouter Holidays, on vient d'en parler il y a quelques secondes. Et en 1973, c'était aussi le mariage de Sheila et Ringo. Claude Carrère n'a pas loupé l'occasion pour se faire un petit peu de fric dans les gondoles à Venise, que l'on va écouter juste ensuite. Fait-il le Dieu qu'ils aiment, qui vit dans les Et zéro pub, c'est aussi ça, Fadjet. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on y si bien. Laisse au loin les Alors c'est déjà la dernière partie de ce coup de cœur, première partie de Michel Polnareff. Nous sommes en 1973 et de retour d'une tournée internationale, il découvre durant l'été que son déficit bancaire se calcule en millions de francs. Son homme de confiance Bernard Senot l'a escroqué. Avec l'argent de Polnareff, il a loué un logement et une voiture à celui-ci sans les lui acheter alors que Polnareff se croyait propriétaire. Puis il est parti avec son argent sans avoir payé les impôts du chanteur. Polnareff se retrouve non seulement ruiné, mais débiteur d'une énorme dette fiscale et il faudra des années pour que ses avocats prouvent sa non-complicité dans cet impayé fiscal d'un million de francs. Drame supplémentaire, sa maman meurt la même année. Donc à la suite de ces événements, il tombe une nouvelle fois en dépression et doit faire une nouvelle cure de sommeil avant de s'exiler en octobre 73 aux États-Unis à bord du paquebot France, dont c'est un des derniers trajets, avant d'être désarmé en 74, puis revendu. Avant de partir, Polnareff a commencé à travailler sur son nouvel album, mais qui sera finalement distribué après le départ de l'artiste pour les États-Unis. Il est sobrement intitulé Michel Polnareff, sans indication sur la pochette, et contenant entre autres le très mélancolique « L'homme qui pleurait les larmes de verre ». Alors le France, bah Michel Sardou en a fait une très jolie chanson que l'on va écouter juste après. Et on se quittera en live avec ce titre extrait de l'album de 1973, au moment où Michel Polnareff partait aux États-Unis, L'homme qui pleurait des larmes de verre. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échoué si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'en vis les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la

plus que d'autres. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine pour le second volet de cet hommage à Michel Polnareff. Il a une actualité, on en parlera la semaine prochaine. J'espère que vous serez nombreux à nous retrouver. On partagera de bons moments également. D'ici là, passez une excellente semaine. Et puis, amusez-vous, c'est quand même important dans la vie. Salut, bye bye, à la semaine prochaine.